Alors que la rentrée universitaire approche à grands pas, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur une question qui revient souvent hors micro, que nous nous posons régulièrement avec les intervenants de ces vendredis fiction. Qu'en est-il de l'étude de la science-fiction en tant qu'objet littéraire, sociologique, politique ou philosophique? Les SF Studies qui ont émergé dans les années 70 aux États-Unis se sont-elles pérennisées? Ce genre littéraire, longtemps considéré comme un sous-genre, a-t-il gagné sa respectabilité académique? Quel héritage des théoriciens de la postmodernité comme Deleuze ou Baudrillard? Bref, aujourd'hui, on met la SF sur les bancs de la fac. La science-fiction sur les bancs de la fac, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et qui de mieux pour parler de la SF à la fac que deux profs de fac, justement. Bonjour Irène Langlais. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bonjour Simon Bréant. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en littérature française à Sorbonne Université. Vous avez tous les deux fondé la revue Res Futurae, qui est une revue biannuelle sur les études en science-fiction. Vous contribuez également au MOOC Science-fiction et explorer le futur au présent avec l'Université d'Artois. On va vous retrouver dans une grosse dizaine de minutes, puisque avant d'aller plancher dans l'amphi, on fait le tour de l'actualité scientifique de la semaine avec celle qui n'a pas eu la chance de connaître les glorieuses années du Doug. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal des sciences, le tout premier train à hydrogène a été inauguré cette semaine en Allemagne. Depuis lundi, le premier train à moteur hydrogène circule en Allemagne. C'est une première mondiale et une grande avancée technologique. C'est une innovation que l'on doit au groupe français Alstom. L'Allemagne s'est en effet engagée à réduire ses émissions de CO2 de plus de 30% d'ici 2020. Alors pour décarboner les transports lourds, les moteurs à hydrogène semblent être la bonne solution. Ça fait longtemps que l'on travaille dessus et la recherche vient d'aboutir. Alstom a mis 5 ans avant de réaliser ce prototype. Pierre Guillou est en charge du développement des chaînes de traction et de propulsion des trains chez Alstom. On l'écoute. C'est une techno qui est restée pendant des décennies émergente, prometteuse. Ça fait bien 50 ans qu'on parle de piles à combustible et que ça ne sort jamais. On est reparti d'un train existant et on a dit, voilà, est-ce qu'on peut remplacer un moteur diesel? Et ça a donné un train qui a pu se concevoir autour d'une propulsion hydrogène. Quand on fait un système de train hydrogène, c'est non seulement une pile à combustible, mais il y a également l'intégration de toute cette pile à combustible dans un schéma électrique qui s'interface avec la traction. Et puis, il y a également toute la problématique du stockage de l'hydrogène sur le train. Il y a également toute la problématique de l'alimentation en hydrogène. Donc, il faut être capable d'avoir des équivalents de stations-service pour être capable de distribuer l'hydrogène sur le train, etc. Donc, c'est toutes ces problématiques qui ont dû être résolues pas à pas. C'est un concept qui est quand même assez proche, finalement, de ce qu'on fait avec un diesel, sauf que c'est zéro émission. Voilà, ça c'est pour l'infrastructure. Reste à savoir exactement comment ça marche, Natacha, ce fameux moteur à hydrogène. Alors, pour rappel, une pile à hydrogène consomme de l'hydrogène et de l'air. Elle sort de l'eau et de la vapeur d'eau, donc on est bien sur du zéro émission. Un plein d'hydrogène permet de parcourir 1000 km pour une vitesse maximale de 140 km par heure. Alors, selon les experts, il est aussi plus simple d'installer des stations hydrogène que d'électrifier les lignes. Ce sont des infrastructures plus faciles à mettre en œuvre. On peut imaginer remplacer les trains de lignes non électrifiées par cette technologie. Pierre-Étienne Franc est expert chez Air Liquide. Il nous explique pourquoi cette technologie est une bonne alternative pour en finir avec les locomotives diesel. Un moteur hydrogène, en fait, c'est un moteur électrique. Simplement, l'alimentation de ce moteur électrique est assurée par le couple d'un réservoir qui stocke de l'hydrogène et d'une pile à combustible qui, en fait, fait réagir cet hydrogène avec l'oxygène de l'air pour générer de l'électricité. C'est le couple hydrogène-pile à combustible. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est la molécule la plus abondante de l'univers, mais elle est très rarement seule. Elle est en général combinée soit avec l'oxygène donc dans l'eau, soit avec beaucoup de molécules, en général les molécules de carbone dans les hydrocarbures. Donc aujourd'hui, on fait l'hydrogène en cassant principalement les molécules de gaz naturel, et donc on émet du CO2. On l'émet à la source de production, donc on ne l'émet pas localement quand on utilise cet hydrogène dans un train ou dans une voiture, mais on émet quand même du CO2. Le bilan global, compte tenu de l'efficacité de la pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité, est bien meilleur que le bilan global d'une chaîne diesel. On émet quand même beaucoup moins de CO2. C'est ce qui fait que c'est une molécule très intéressante parce que c'est en quelque sorte le chaînon manquant qui permet de décarboner l'énergie en amont et d'électrifier les usages en aval. Dans la foulée hier, la société du Grand Paris a officiellement passé commande auprès d'Alstom. Le groupe construira les trains hydrogène de 3 futures lignes de métro. Les premières rames devraient être prêtes en 2022. En bref, maintenant, des changements climatiques et de mauvaises nouvelles du côté du permafrost. Alors, cela fait des années que les climatologues avertissent des risques de la fonte du permafrost dans l'Arctique. Le permafrost ou pergélisol, ce sont des étendues glacées du Grand Nord. Le permafrost est en train de fondre. Il renferme du dioxyde de carbone et du méthane. Et en fondant, il risque de libérer de grandes quantités de gaz à effet de serre. De plus, les scientifiques viennent d'observer que son dégel libère également de l'acide qui dissout les roches. Cet acide érode les roches en libérant du dioxyde de carbone, encore difficile à quantifier. Et après les États-Unis, c'est au tour de l'Australie d'abandonner les accords de Paris sur le climat. Alors c'est un désengagement qui n'est pas aussi fracassant que celui de Donald Trump en 2017. Là, il s'agit d'un abandon qui ne dit pas son nom. Le pays devait adopter une loi pour réduire de 26% ses émissions à gaz à effet de serre. Le gouvernement a fait marche arrière. Il est en plein débat politique qui prend par ailleurs un tournant populiste sur le coût de l'énergie. Il faut savoir que l'Australie est l'un des plus gros pollueurs au monde et que ses émissions augmentent chaque année depuis 2014. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré ne pas vouloir se retirer du traité de Paris. Pour autant, aucune politique de changement climatique n'est engagée. Deuxième sujet cette semaine, c'est la sonde japonaise Hayabusa 2 qui est en orbite autour de l'astéroïde Ryugu et elle commence ses toutes premières manœuvres d'analyse. Ça se passe à 300 millions de kilomètres de nous, le satellite a quitté la Terre fin 2014 et dans les jours à venir, Hayabusa 2 éjectera Mascotte, un robot conçu par les agences spatiales allemande et française. Alors Mascotte est un petit atterrisseur qui pèse 10 kilos. Il a la taille d'une boîte à chaussures et c'est un laboratoire embarqué. Il a pour mission de faire des mesures et des analyses directement sur place, à même la surface de l'astéroïde. Et quant à Ryugu, c'est un astéroïde assez particulier, un astéroïde de type C, C pour carbone. Aurélie Moussy est ingénieure à l'Agence spatiale française. Elle est chef de projet du robot Mascotte. Au sein de Mascotte, on a quatre instruments. Un spectromètre infrarouge hyperspectral, donc du laboratoire de l'IAS. Cet instrument permet de donner la composition chimique du matériau. Ensuite, on a un autre instrument qui s'appelle MAG, qui est un magnétomètre, qui permet d'analyser le champ magnétique de l'astéroïde. Un troisième instrument s'appelle MARA, c'est un radiomètre. Donc lui, il permet d'étudier la réponse du sol du point de vue thermique. À quel point le sol se réchauffe vite, se refroidit vite, ça permet d'en tirer des conclusions sur la structure interne du sol. Et le dernier instrument, c'est tout simplement une caméra qui est associée à des diodes, qui permet aussi de faire des images en différentes longueurs d'onde et qui nous permettra d'avoir, ce sera nos yeux là-bas en fait. Mascotte et Hayabusa 2 ont comme gros sujet d'intérêt, la compréhension de la formation du système solaire. Et plus particulièrement, essayer de comprendre comment l'eau et les particules, les matériaux essentiels à l'apparition de la vie sur Terre, sont arrivés sur Terre. Une des théories les plus communément répandues serait que les astéroïdes et les comètes, en entrant en collision avec la Terre dans le passé, auraient apporté tous ces éléments, l'eau et les éléments essentiels à la vie. Et donc, en allant analyser directement le sol de cet astéroïde, on espère pouvoir répondre à ces questions. Et si tout se passe bien pour 2020, la sonde devrait même ramener sur Terre un échantillon conséquent d'astéroïdes carbonés pour approfondir les recherches. En bref, et dans l'espace toujours, on en sait également un peu plus à propos de Cérès. La Cérès, le plus gros astéroïde ou la plus petite planète du système, une planète naine. Avec des traces de vapeur d'eau dans son atmosphère, elle est très appréciée des astronomes pour leur recherche de vie extraterrestre. On savait que Cérès portait un manteau de glace. La NASA nous apprend cette semaine qu'elle est recouverte de volcans de glace. Une vingtaine de cryovolcans, des volcans froids, hein, pour nous terriens c'est un peu un oxymore. Les scientifiques ont observé des éruptions de glace et de gaz, du cryomagma. Il suinte plus qu'il n'explose, comme sur Terre. Cérès est donc géologiquement bien active. Malheureusement, la sonde Dawn, à qui l'on doit ses révélations, arrive en fin de mission en octobre, et Cérès reste encore bien mystérieuse. Et mardi dernier à Paris, Google a inauguré un nouveau laboratoire dédié à l'intelligence artificielle. La firme vient de fêter ses 20 ans. Elle ouvre un centre de recherche de 8 étages, 6000 mètres carrés, juste à côté du siège Google France. Alors pour le moment, il n'y a que 5 chercheurs, mais il devrait être une vingtaine d'ici la fin de l'année. Objectif, développer des algorithmes pour YouTube ou Google Chrome. Chef de file mondial de l'intelligence artificielle, le géant américain continue d'étendre son réseau sur la planète. D'autres campus de ce type sont prévus en Israël, au Ghana et à Amsterdam. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, allons pas tout de suite d'ailleurs, avant il y a autre chose de bien plus important que les coupures de papier dont on va parler dans 5 minutes, on en a beaucoup parlé ici de la revalorisation du doctorat, et bien l'ENA va justement diversifier ses recrutements en ce sens. Oui, si vous avez soutenu une thèse en sciences de la matière et de l'ingénieur, une thèse en sciences de la vie ou en sciences humaines et sociales, l'école vous ouvre ses portes. Alors sur dossier puis sur concours, bien sûr, à partir d'août 2019, l'ENA inaugure un quatrième concours réservé aux titulaires du diplôme de doctorat. C'est 3 à 4 nouvelles places, mais symboliquement c'est fort. L'objectif est de diversifier les profils intellectuels de cette école d'élite, avec de hautes compétences scientifiques. Et l'autre avancée, c'est la revalorisation donc du doctorat, un diplôme de plus en plus boudé, car injustement dévalué en France. Voilà, et donc on arrive enfin à notre rubrique de sciences improbables que vous attendez évidemment tous et toutes avec une impatience démesurée. D'ailleurs, il va falloir vous calmer un peu. Bref, les sciences improbables de cette semaine qui ont élucidé l'un des grands mystères du corps humain. Qu'est-ce qui se passe quand on se coupe avec du papier, Natacha ? Voilà, pourquoi se couper avec du papier fait-il si mal ? C'est la question à laquelle un dermatologue de l'université californienne de Stanford a répondu. Déjà, la réponse est anatomique. Ces coupures concernent les parties de notre corps les plus sensibles et les plus denses en terminaison nerveuse, les doigts, la langue. Ensuite, quand on l'observe au microscope, la feuille de papier est plus fourbe qu'elle n'y paraît. Ses bords ressemblent à ceux d'une scie dentelée, plus qu'à une lame de couteau. Et les coupures sont généralement peu profondes, elles ne permettent donc pas de coagulation. La cicatrisation est plus difficile, la plaie se réouvre facilement et stimule les nocicepteurs, ceux à qui l'on doit la sensation de douleur. En revanche, un point n'est pas élucidé. L'étude n'explique pas pourquoi une coupure avec du papier fait crier aussi fort. Je suis sûr qu'il y a de l'anglais qui approuve que manifestement vous êtes souvent coupé avec du papier. Oh là là. Donc... on a coutume de dire que c'est le métier qui rentre, hein, quand on fait ses premières coupures en salle de reprographie. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve la semaine prochaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, dans la méthode scientifique sur France Culture, on va reparler donc de science-fiction tout au long de cette heure, un genre qui est, on va dire, au moins centenaire, puisqu'il n'est pas question de rouvrir aujourd'hui autour de cette table l'interminable querelle quant à savoir s'il s'agit de Marie Shelley ou de Jules Verne, le premier auteur de science-fiction. On en a suffisamment parlé, puis on en reparlera à d'autres occasions. Non, l'ASF a encore aujourd'hui, malheureusement, relativement mauvaise presse, malgré son âge vénérable, cette image un peu de sous-genre littéraire, de culture populaire bis, et c'est même relativement euphémistique encore, hein, car malgré un succès grandissant au cinéma, dans les séries télévisées, etc. La littérature de science-fiction, on en a également beaucoup parlé ici, se vend toujours relativement mal et conserve cette image de littérature bis. Et pourtant, dès 1973 paraissait aux États-Unis une revue, Science Fiction Studies, une revue qui proposait une collection d'articles et de travaux sur la science-fiction, initiant par là même son entrée en tant qu'objet d'études académiques. Alors, où en est-on en France en 2018? La SF a-t-elle sa place à la fac? Comment l'étudie-t-on et qu'étudie-t-on lorsqu'on veut traiter la science-fiction sui generis? Pour en parler donc, Irène Langlais, professeure de littérature contemporaine à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, et Simon Briand, maître de conférence en littérature française à Sorbonne Université. Est-ce que la science-fiction, alors vous en êtes la preuve, mais c'est une question pour essayer d'introduire le débat, quelle est la place plus exactement de la science-fiction à l'Université française, Irène Langlais? Eh bien, c'est une place à la fois certaine et discrète, je dirais. Le constat qu'on faisait en 2010, lorsqu'on s'est lancé dans l'aventure d'une revue académique, évaluée en aveugle par des pairs, c'est-à-dire respectant les protocoles de l'évaluation académique, c'était que il n'y a pas besoin de créer ex nihilo un discours sur la science-fiction. Il existe. En revanche, il est plutôt rare qu'il respecte justement les protocoles de l'étude académique. Autrement dit, qu'il soit archivable, compilable, et puis qu'il donne lieu à un savoir cumulatif. Tout se passe comme si... Tout se passait comme si, peut-être que les choses ont changé, tout se passe comme si, quand on étudie la science-fiction, on doit toujours recommencer à zéro. Et ça, ça me paraissait, avec les collègues qui ont été d'accord pour participer à cette aventure, un témoignage très sûr que quelque chose n'était pas déclenché. Tim Mouriant. Eh bien, je ne peux que... qu'elle est dans le même sens. Je dirais que cette place de la science-fiction dans l'université, elle est rendue complexe par toute série de facteurs qu'on va sans doute explorer dans la discussion, et que ce problème dépasse largement la question simplement de la communauté scientifique. C'est essentiel pour pouvoir s'emparer de l'objet. Mais au-delà de ça, cet objet en tant que tel, vous l'avez dit tout à l'heure en mentionnant son statut de culture populaire, enfin disons l'indétermination de son statut exact, eh bien, la nature même de l'objet le rend difficile de le faire entrer dans les catégories qui sont celles au départ relativement tranchées de l'université, des différentes disciplines. Même si une ouverture se fait marquer de plus en plus depuis une vingtaine d'années, au départ, il est très difficile d'identifier ce qu'on veut étudier quand on étudie la science-fiction. Mmh. Et pour ne donner qu'un exemple très simple qui me concerne et qui a correspondu à la démarche que j'ai fait quand j'ai entamé mes propres travaux de recherche en thèse, une des difficultés de la science-fiction, c'est qu'elle, enfin notamment de l'étude de la littérature de science-fiction, c'est qu'il est très compliqué au départ d'étudier cette littérature dans la discipline de littérature française, parce que les auteurs sont mal connus, mal repérés, enfin, et donc une des logiques de mes propres travaux là-dessus, ça a été justement d'essayer de créer une histoire de référence qui puisse s'inscrire dans une perspective justement d'accumulation et servir à d'autres chercheurs. Cette perspective-là, elle est nécessaire, elle est utile, mais d'une manière générale, l'identification de l'objet et son rattachement à tel ou tel domaine reste même encore maintenant problématique. Alors on va parler de ce problème qui est effectivement le corpus classique et plus anglo-saxon que français, même si on ne va évidemment pas dénigrer la littérature de science-fiction française dont on va parler et dont on a reçu plusieurs auteurs autour de cette table. Mais je vais vous poser cette question très vaste et en même temps centrale, Irène Langlais. Qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie la littérature de science-fiction? Quand on étudie la science-fiction à l'université, finalement, quel est le corpus qu'on s'approprie? Mais dans littérature de science-fiction, j'ai envie de vous dire, il y a d'abord littérature. On étudie d'abord de la littérature, et si elle est étrangère, eh bien, à l'université, on a bien l'habitude. Ce n'est pas ça le problème, je dirais. Même si je ne peux qu'être d'accord avec Simon Briand sur le fait qu'il y a une difficulté d'identification de la littérature française de science-fiction, moi je dirais qu'il n'y a pas de difficulté d'identification de la littérature de science-fiction, mais il y a une discipline qui s'occupe de ça, c'est la littérature comparée. On a l'habitude d'étudier les littératures étrangères, de les étudier en traduction avec toutes les précautions possibles et avec toutes les recontextualisations possibles. Moi je dirais que quand on étudie de la science-fiction à l'université, on n'étudie pas autre chose que quand on étudie le mythe d'Électre ou le romantisme à l'université. Toute la question est d'étudier de la littérature de science-fiction. Mais là aussi, ce n'est pas tant la science-fiction qui pose problème qu'une littérature de genre. On n'étudie pas davantage le roman sentimental à l'université ou le roman d'aventure ou le roman policier, Le roman d'aventure, le roman sentimental, ces genres qui appartiennent à la littérature classique peuvent être abordés dans les cursus traditionnels de littérature plus facilement, en tout cas, que le genre, non ? Oui, probablement parce qu'il y a un protocole de lecture spécifique de la science-fiction. Et là, ça échappe à la littérature de genre ou disons à la problématique d'évaluation ou de hiérarchisation de la valeur littéraire. Et c'est l'un des auteurs que j'ai envie de citer, pas des auteurs de science-fiction, mais des auteurs universitaires que j'ai envie de citer et qui a changé beaucoup de choses là-dessus, c'est Richard Singelais. Au moment où il a publié en 1999, c'est rudiment de lecture science-fictionnelle dans son livre « L'Empire du pseudo hein, », paru aux éditions Nota Bene au Québec. Il a mis le doigt sur peut-être l'un des problèmes de la lecture de science-fiction, et qui est double, à mon avis, et au sien, je le suis sur ce plan-là. Le premier problème, c'est que ça implique un décentrement, un étrangement cognitif. Et le deuxième problème, c'est que cet étrangement cognitif ne se passe pas à partir de rien, mais qu'il nécessite la connaissance d'une certaine culture de science-fiction. C'est ce que mon estimé collègue Simon Bréhand a beaucoup étudié en l'appelant le macro-texte de science-fiction. La question du corpus, Simon Bréhand, c'est que quand on étudie à l'université des mouvements littéraires, quand on étudie le romantisme, le décadentisme, pour parler d'un mouvement que j'ai un peu étudié, on étudie des corpus qui sont circonscrits dans un temps, dans un mouvement. Étudier le corpus à la science-fiction, c'est aujourd'hui étudier un corpus qui a plus d'une centaine d'années, qui a connu différents mouvements, qui a connu différents sous-genres. C'est aussi peut-être ce problème de pouvoir circonscrire exactement ce qui appartient, ce que l'on veut prendre en compte. Est-ce que ça a un sens finalement de dire on étudie la science-fiction? Alors, étudier la science-fiction, ça peut avoir un sens, notamment si on s'inscrit par exemple dans la perspective d'un Richard Singelais et qu'on réfléchit aux mécanismes de lecture et de d'écriture de la science-fiction, par exemple. Si, comme vous le suggérez, on va dans la direction d'une étude qui est plus une étude d'histoire littéraire ou justement d'identification de caractéristiques génériques, plusieurs problèmes surgissent. Il y a des problèmes liés à l'objet lui-même, c'est-à-dire que il me semble que nous ne sommes pas tout à fait, même s'il y a des points de contact, tout à fait face au même type d'objet quand il est question de science-fiction, quand il est question de mouvement romantique. Mouvement romantique d'ailleurs se trouvant à s'exprimer dans une multitude de domaines aussi, mais la logique de ce qu'on appelle science-fiction dans cette perspective-là, c'est plutôt une certaine manière de dénoncer un rapport à la réalité, d'inscrire dans le texte une façon spécifique de décaler le regard sur le monde, ce que tout à l'heure Irène Langlais désignait sous le nom d'étrangement cognitif, notamment, et que cette perspective-là, ça unifie à la fois le geste de la science-fiction et en même temps, ça dit très peu de choses sur la variété de ce qui peut être entrepris dans le genre. Donc c'est à la fois quelque chose de commun et en même temps quelque chose qui ne va pas fournir une unité générique manifeste et immédiate. Et il y a un deuxième aspect qui est lié tout à fait à ce que vous dites sur la question de la façon dont les études vont pouvoir s'enclencher, c'est que la difficulté ici, c'est un petit peu la logique de la charrue et des bœufs, c'est par quoi commencer, c'est-à-dire comment faire en sorte que cette étude soit possible. Et là, je rejoins également ce que disait Irène Langlais sur le fait qu'il y a en fait un coup d'entrée hein, dans la lecture de la science-fiction et le fait qu'il faille s'approprier tout un ensemble d'outils, mais ça, nos collègues chercheurs sont parfaitement capables de le faire. Mais il faut tout de même faire cet itinéraire et identifier ces choses-là, mais surtout il y a une difficulté dans la façon de disposer les informations, c'est-à-dire que l'accumulation de connaissances que nous essayons notamment de mettre en place avec la revue Res Futurae et l'accumulation qui se produit depuis une quinzaine d'années dans différents travaux qui sont justement notamment dans la lignée de ceux de Richard Singelais, eh bien cette accumulation-là, elle peut espérer de permettre de s'emparer de l'objet de façon de l'objet science-fiction de façon plus unifiée. Mais dans l'état actuel de la communauté de recherche sur la science-fiction, la masse critique n'est pas encore tout à fait atteinte. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où véritablement suffisamment de travaux peuvent nourrir d'autres travaux. Donc on n'est pas dans cette logique finalement de cercle vertueux de la connaissance qu'on trouve pour des études déjà plus installées et qui reposent à chaque fois sur des bases solides. En quelque sorte. Si on fait un bref détour par l'histoire de ce que j'évoquais tout à l'heure de l'apparition de ces science fiction studies aux États-Unis, on est donc dans les années 70. Le corpus littéraire des années 70, c'est principalement ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or, donc toute la science-fiction américaine des années 50-60. D'où ça naît par rapport justement à tout le mouvement de la nouvelle critique littéraire qui apparaît dans ces années-là aux États-Unis, mais pas seulement en Europe, en Grande-Bretagne, Irène Langlais. Eh ben, avec tout le respect que que je vous dois. J'ai l'impression qu'il y a une légère erreur de perspective si on considère que les science fiction studies des années 70 se sont d'abord penchés sur le corpus de l'âge d'or. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé en vérité. Ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'il s'est penché sur le corpus de la nouvelle science-fiction, celle qui commençait d'apparaître, qui était très bouillonnante et remettait précisément en cause, en partie grâce à ce qui se passait en Europe d'ailleurs, et au fait que la science-fiction en Europe à ce moment-là, en particulier en Grande-Bretagne, est adoptée une logique contre-culturelle. Par exemple, quels auteurs vous pensez ? Mais je pense à Ballard, je pense à Moorcock et à la revue New Worlds que Moorcock prend en charge à partir de 1962. Mais on a coutume de toujours présenter ça par l'angle britannique et on oublie souvent que la science-fiction française à ce moment-là, en association d'ailleurs, en association de malfaiteurs quasiment avec la bande dessinée, qui fait également à ce moment-là son aggiornamento adulte, a beaucoup compté dans finalement l'installation académique sur les campus d'un intérêt pour la forme de la science-fiction, pour l'étude formelle de la science-fiction littéraire. C'est plutôt ça. Alors bien sûr, c'est pas séparable de justement cette lame de fond qui était la culture des pulps et la culture de la science-fiction de l'âge d'or, mais ça me paraît important de le préciser parce que dès le départ, finalement, dans les science fiction studies, il y a eu un pas de deux qui s'est joué entre une érudition de la science-fiction qui existait déjà depuis les années 30 et qui s'est construite dans le milieu des amateurs, et puis une érudition d'un autre type qui s'est construite dans le milieu des universitaires, et finalement toute la problématique d'une installation de la science-fiction dans le domaine académique consiste à faire marcher ces deux éruditions qui ne peuvent pas exister l'une sans l'autre, mais qui ont des modes de fonctionnement très différents. Simon Briand ? Oui, alors je compléterai, je suis tout à fait d'accord, mais je compléterai en indiquant qu'il y a aussi une dimension qui est une dimension très pionnière de ces études, c'est-à-dire que c'est loin d'être une bataille gagnée d'avance pour les gens qui s'investissent dans science fiction studies à cette époque-là. Et effectivement, ils prennent position dans un champ qui, au départ, en termes d'études et de réflexion, est quand même très occupé par des analyses qui sont celles qui sont développées dans les revues, une érudition des amateurs qui est très très compétente, très pertinente. Et effectivement, il y a tout de même au départ, enfin je suis pas historien de cette chose, ces moments-là, mais il y a des frictions ou du moins des différences de point de vue entre ce qu'il est légitime ou intéressant d'étudier. Et effectivement, il se tourne beaucoup plus vers des auteurs comme Ursula Le Guin, dont il a été question ici, ou Philippe K. Dick, qui est bien connu, mais qui n'est pas à ce moment-là forcément si reconnu que cela, ou encore Stanislas Lem, qui donc des auteurs qui à ce moment-là permettent une étude, une certaine réflexivité, une étude plus élaborée de thématiques. Et il y a véritablement, une logique qui se concentre beaucoup sur ces... Et évidemment, Ballard, qui était cité tout à l'heure. Et Ballard et la New Wave britannique. Et à cet égard, il a fallu quand même un certain temps, 10-15 ans, me semble-t-il, avant que, véritablement, dans un curriculum universitaire, on puisse inscrire de façon pérenne des cours... on ne parle pas encore de cette question-là, mais il a fallu un certain temps pour que ce soit vraiment installé. Et pour le coup, la communauté de recherche américaine, de ce point de vue-là, a bénéficié bénéficié par effet de retour, forcément, de la vigueur de la production américaine qui, effectivement, est au départ le corpus de référence de la science-fiction. Et les études anglaises, notamment, ont pu s'appuyer sur ce corpus et développer toutes sortes d'études et développer surtout un réseau très important d'études à travers les États-Unis. C'est-à-dire que cette masse critique de recherche, elle a pu être obtenue d'autant plus facilement. Et c'est pour ça que j'insistais un petit peu sur la difficulté que pose le corpus français, qui est riche et intéressant, mais qui, au départ, est moins identifié et moins identifiable. Il y a cet effet aussi de symbiose avec un corpus. C'est peut-être important de repréciser et de dire que ces années 70, elles vivent une transformation de l'approche de la critique littéraire. Il y a quand même un bouleversement épistémologique important dans la critique littéraire, dans un basculement vers ce qu'on va appeler la nouvelle critique littéraire. Et du coup, vous dites que ces science fiction studies, elles s'inscrivent exactement dans ce mouvement, mais d'une façon peut-être un peu plus underground, pour le dire comme ça, ou je ne sais pas. En tout cas, en profitant d'un effet cumulatif de la force contre-culturelle du corpus lui-même. Mmh. Je rajouterai le nom de Joanna Russ, par exemple, à ceux qui ont déjà été cités par Simon Briand. La force, la thématique contre-culturelle a pu favoriser aussi l'adoption de méthodes contre-académiques. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est vraiment, pour comprendre bien, dans ces science fiction studies, il y a effectivement une approche contre-académique, puisque c'est le mot que vous avez employé. Sans aller jusque-là, disons qu'il y a une ouverture d'esprit d'emblée à une lecture par la psychanalyse, à une lecture par l'approche poéticienne ou la déconstruction qui, à la même époque, dans les corpus littéraires légitimés, créer des batailles rangées entre Barthes et la vieille Sorbonne. Mais le fait que ça se passe sur les campus américains et non sur les campus français biaise un petit peu notre point de vue. Là, on va parler un peu avec le point de vue de Sirius sur quelque chose qui est désormais installé chez nos collègues. Mais je voudrais en profiter pour dire que pour les science fiction studies elles-mêmes, étudier de la science-fiction française, ça ne se fait pas presque pas. Et lorsqu'on a eu la chance de pouvoir nouer le partenariat avec la revue Science Fiction Studies, c'est en partie parce que pour eux, il y avait là un terrain inexploré. Pour votre revue Restituerae. Pour la revue dont on parlera. Puisque Restituerae, puisque Science Fiction Studies, la revue de 73, est encore d'actualité. Elle continue à publier régulièrement. Un mot justement peut-être Simon Briand, puisque vous venez d'évoquer Barthes contre la vieille Sorbonne. La révolution paradigmatique et intellectuelle française, Barthes, Derrida, Deleuze, ce sont les premiers à s'être un peu intéressé à cet étrange objet qui était la science-fiction. Alors même si de manière un peu afférente, néanmoins ils sont penchés. Oui, alors dans la logique d'un Barthes, on est plus dans une logique de type mythologie contemporaine, la façon dont finalement on peut réfléchir sur l'expression de justement. Et là, on entre dans cette question de la littérature de science-fiction, est-ce qu'on va l'identifier à une culture populaire, notamment? Que dire de ces objets-là? Donc c'est en soi une approche tout à fait légitime. Simplement, il est difficile de construire, difficile de construire une approche féconde à long terme en partant de ceci. Parce qu'une certaine façon, ça revient à mettre l'objet à distance, à le considérer comme un objet légitime d'étude. Mais finalement, il s'agit plutôt de le circonscrire, d'en faire le tour, que de véritablement lui accorder la dignité d'un objet qu'il s'agirait d'approfondir, d'étudier de façon définie. Parce que de toute façon, c'est pas la logique, effectivement, d'un Barthes qui va, lui, réfléchir à la littérature de manière beaucoup plus transversale que essayer de d'ouvrir un nouveau champ disciplinaire. C'est pas du tout sa perspective. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, un héritage difficile pour l'instant à réemployer à cet égard. Un mot rapide pour conclure cette partie sur toujours à cette époque-là sur la dimension évidemment politique et notamment sur la science-fiction de la fin des années 70-80 qui devient une science-fiction très engagée, parfois un peu punk, anarchiste. C'est quelque chose qui est appréhendé en tant que tel par un mouvement critique qui lui-même est un mouvement très contre-académique, comme vous le disiez. La science-fiction politique, vous voulez dire? Oui, je voudrais être sûre de bien comprendre. On se faisait récemment la réflexion que la science-fiction politique française avait été, avait connu son éclosion avec un petit temps de retard par rapport à mai 68. Et lorsqu'on épluche ce qui s'écrivait à ce moment-là, dans les colonnes en particulier de la revue Fiction, il est très étonnant de voir plutôt que au sujet de la science-fiction, des comptes se régler, plutôt au sujet des engagements des uns et des autres dans l'ultra-gauche, la gauche de gouvernement, puisqu'elle arrive et qu'elle vient le conclure. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'une attention à la forme, puisque c'est ça qui nous rapproche et qui nous fait être là ici, une attention à la forme est encore plus vive lorsqu'il s'agit de juger les idées. Et malheureusement, c'est une attention à la forme qui a plutôt conclu à une faiblesse du style, en l'occurrence. Mmh. Simon Briand, vous partagez ce point de vue ? Oui, enfin, là, je dirais que malheureusement, par ailleurs, ce champ-là n'est pas encore suffisamment peut-être étudié spécifiquement. C'est difficile aussi de concentrer l'étude sur des éléments de la science-fiction française de cette manière-là. Mais je pense que la logique même de l'engagement politique en science-fiction, c'est quelque chose de très très difficile finalement à manier, c'est-à-dire que les déclarations, l'usage politique de la science-fiction en littérature va toujours se faire de manière relativement décalée par rapport à ce que à un certain état de la société. Et de ce fait, il y a dans la perspective qui était celle des auteurs des années 75 à 80, en gros, il y a eu une sorte de... Enfin, ils sont arrivés trop tard, d'une certaine façon. Ils sont arrivés un peu trop tard par rapport au fait que ils se retrouvaient finalement, effectivement, dans une logique d'ultra-gauche à un moment où le lectorat lui-même mm-hmm. avait déjà commencé à se... Faisait sa révolution conservatrice. Était déjà en train de faire la révolution conservatrice. C'était en train de se réorganiser. En tout cas, c'est une que Spinrad difficulté. Était à contre-temps, c'est ça que vous êtes en train de dire Non, mais il était parfaitement à l'heure. Il était parfaitement à l'heure dans son environnement. Mais c'est, disons, les Spinrad français qui n'ont pas forcément trouvé le public français au bon moment. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Looks like they're gonna come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do. Guy can need plenty of reinforcements. We'll get them. Lieutenant! Look! All over the world, human beings cower before the onslaught of these unearthly enemies, whom no one has ever seen. Panic that sweeps around the globe as the great masses of mankind flee blindly in a headlong stampede of hysteria. Oh, just... Extrait de La Guerre des Mondes, la version 1953 de Byron Askin. La raison pour laquelle on a choisi cet extrait, c'est que La Guerre des Mondes, ça pose précisément un certain nombre de questions sur la façon dont on appréhende la science-fiction comme un corpus extrêmement vaste et non seulement un corpus littéraire, mais aussi un corpus audiovisuel. La Guerre du Monde, c'est un feuilleton radiophonique, c'est évidemment le livre initial d'Orwell, mais c'est aussi un film, un deuxième, un troisième film, parfois des séries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'étudier la science-fiction uniquement littéraire, sans faire de la littérature comparée, sans avoir une approche globale de l'ensemble des supports et des déclinaisons de la science-fiction? C'est la question piège, je dirais, de l'anglais. J'ai l'impression que la réponse est dans la question. Ah, mais je ne sais pas. Ah non, mais moi, je ne présuppose rien, voyons. Bien sûr que non, c'est pas tellement possible. En revanche, ce qui est possible, du coup, c'est de percevoir, lorsqu'on prend la mesure de l'intermédialité des corpus, à quel point la place de l'étude littéraire est restreinte et à quel point aussi peut-être l'intérêt du public ne va pas en premier au texte littéraire. On a peu d'étudiants qui se déclarent intéressés par des études littéraires sur la science-fiction. En revanche, énormément qui ont envie de travailler sur le post-humain dans à la fois Neuromancien, Matrix, et puis des séries télévisées ou des jeux vidéo, beaucoup plus de sujets d'intermédialité. En effet. Et là, ça pose des problèmes compliqués, non seulement parce que on peut pas tout savoir et que on doit faire nous-mêmes notre mise à jour scientifique, se mettre à analyser des films, ça c'est le moins difficile, se mettre à jouer à des jeux vidéo ou à visionner des séries télé, c'est plus compliqué. Et puis ça nécessite aussi des corpus critiques, des cultures scientifiques. Et ces cultures scientifiques, on les a pas nécessairement quand on arrive avec notre formation d'agrégatif, de normalien et notre corpus critique. J'ajouterais enfin que dans l'université comme partout, il y a des territoires et que travailler sur l'intermédialité, que ce soit au moment de la production du savoir, mais surtout, hélas, au moment de sa valorisation, et je pense essentiellement au moment où, après avoir sué sang et eau pour produire une belle thèse, eh bien, on cherche un poste. Une étude intermédiale va devoir se justifier auprès des différentes instances, des différentes disciplines que l'étudiant docteur a convoquées, en se faisant respecter et qualifier par chacune de ces disciplines et chacun des groupes sociologiques de collègues que ça concerne. Simon Briand. Alors, je ferai une réponse légèrement différente. C'est-à-dire que je pense, pour revenir à la question initiale, que oui, c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible de séparer les médias. C'est parfaitement possible de le faire. Je modulerai en disant que c'est peut-être pas forcément souhaitable. C'est-à-dire qu'effectivement, l'approche intermédiale est extrêmement féconde et peut permettre des perspectives particulières. Mais je dirais que c'est parfaitement possible au sens où tout ce qu'a dit Irène Langlais, qui est tout à fait juste sur le fait que, l'introduction d'études intermédiatiques permet de valoriser un objet ou de lui donner des dimensions supplémentaires. Mais il n'empêche que, il me semble que l'étude en tant qu'objet spécifiquement littéraire est non seulement possible, mais pratiquée, d'ailleurs, par Irène Langlais elle-même. C'est-à-dire que il n'y a pas nécessité à faire intervenir, des objets qui sont, des objets non littéraires, pour valoriser et surtout pour comprendre ce qui se passe dans la littérature de science-fiction. Donc il n'y a pas besoin de faire un détour par autre chose. Je dirais qu'effectivement, si on pose la question en termes de est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est praticable d'un point de vue universitaire, est-ce que ça va être reconnu, eh bien le fait est que la stratégie qui consiste à passer par la question des médias, c'est une stratégie qui actuellement est celle qui est très porteuse, parce qu'effectivement le point d'accès à cette culture-là est souvent un point d'accès audiovisuel, il est aussi question des bandes dessinées, enfin visuel au sens large. Au moment de poser l'objet, la question en termes, tout simplement d'élan vers l'objet, parce que c'est de la recherche, c'est d'abord un élan particulier, eh bien, va se poser différemment de ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans, où véritablement les thèses qui ont pu commencer à être lancées étaient véritablement des thèses sur les corpus littéraires uniquement et sans que d'autres perspectives soient posées. Je viens de me rendre compte que j'ai dit Orwell, c'est H.G. Wells, La Guerre des Mondes, c'est Orwell, c'est 1984. Mais justement, je rebondis là-dessus parce que H.G. Wells, Orwell, Huxley, il y a aujourd'hui Bradbury, une forme de classicisme dans la science-fiction avec le recul. On en discutait tout à l'heure hors micro, il y a des auteurs qui sont aujourd'hui fréquentables, qui n'étaient pas il y a 20 ans et qui n'étaient encore moins il y a 40 ans. Aujourd'hui, étudier de la science-fiction à l'université, est-ce que ça veut dire qu'on peut travailler malgré tout sur les sous-courants actuels, sur des auteurs qui sont aujourd'hui encore des auteurs prolifiques, vivants, ou est-ce que il y a forcément une forme de chambre de décompensation temporelle qui fait que on a plus de facilité à appréhender des auteurs qui sont d'ores et déjà passés quasiment dans le domaine classique comme Wells ou Orwell que des auteurs qui sont plus compliqués encore à manipuler aujourd'hui. Irène Langlais. Ça, c'est une question difficile, je trouve, parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour y répondre, c'est pas tant la chambre de décompensation temporelle qui me vient en premier à l'esprit. On va avoir l'impression que je suis un peu obsédée par les logiques institutionnelles, mais après tout, on est là pour parler de ça, de comment on étudie la science-fiction à l'université. Non, la chambre de décompensation, c'est la chambre de décompensation institutionnelle. J'ai l'impression que certains auteurs récents entrent désormais dans le champ de l'étude possible, valorisée. Je pense à Volodine, par exemple, qui est désormais, alors qu'il a commencé sa carrière d'écrivain dans une collection de science-fiction, il a eu recours au procédé de la science-fiction. Désormais, il est étudié. C'est les concours, c'est les programmes d'enseignement, c'est les programmes des formations, selon les différentes disciplines, qui établissent plutôt cette décompensation dont vous parlez. Voilà pourquoi je dirais plutôt que plutôt que de se demander, oui, je suis d'accord avec la nuance apportée tout à l'heure par Simon Bréhand, hein, plutôt que se demander si c'est possible ou pas, se demander si ça vaut la peine ou pas de l'étudier rien qu'avec le texte ou en le mettant en relation avec les autres supports de la science-fiction. Aujourd'hui, il y a de la place, par exemple, pour étudier Laurent Genefort, pour étudier Ayardal, pour étudier Pierre Bordage, Simon Bréhand. Alors oui, il y a de la place pour cela. Après, est-ce que c'est une stratégie gagnante pour ensuite être élu à l'université? Bah, ah, parce que maintenant, s'il est question de stratégie, voilà, en plus dans le choix de ces sujets de thèse, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, non mais ce que je veux dire, c'est que c'est parfaitement possible et ça a déjà été possible. Ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, disons, il y a un revers relativement positif au fait que la logique de canonisation des auteurs n'intervienne pas tellement pour la science-fiction, tout simplement parce que massivement ils sont en dehors du périmètre de ce qui est canonisable, hein, en général. Il y en a qui sont respectés en tant que tels, mais de ce fait ils ont dans un champ un peu à part. On parlait de Verne comme peut-être père de la science-fiction tout à l'heure, c'était mentionné. Bon, des études verniennes, il y a énormément d'études verniennes, mais ces études verniennes sont des études verniennes. Ce ne sont pas des études de gens qui se disent « je vais étudier la science-fiction, donc je vais voir Jules Verne ». Et c'est parfaitement légitime en soi, mais ça se pose d'une certaine manière. En revanche, donc, pour répondre directement à la question, peut-on étudier Laurent Genefort ? Je dirais que, d'une part, on peut l'étudier relativement librement dans le cadre d'un cadre qui serait un cadre de niveau master, de toute façon, qui est celui que je connais, puisque je ne dirige pas de thèse. Hein. Au niveau master, c'est quelque chose qui est tout à fait concevable. Et même de ce point de vue-là, il y a même une pertinence, un intérêt à s'occuper d'auteurs contemporains quand on est, de toute façon, sur l'étude du 20e, 21e siècle. C'est valorisé et valorisable, et y compris et surtout en littérature comparée. Enfin, les deux domaines littérature et littérature comparée peuvent intervenir ici. Une fois qu'on a dit ça, le fait est que la question est dans quelle mesure est-ce que ça peut s'inscrire de façon pérenne justement dans une culture universitaire de science-fiction, d'études des auteurs. Eh bien, ça n'est pas forcément évident. Ceci étant, c'est ce que notamment nous essayons de faire dans Res Futurae, puisque nous avons un certain nombre de numéros monographiques qui fonctionnent justement sur cette logique-là, c'est-à-dire fournir un certain périmètre de recherche à un auteur. Il y a un anglais. Eh oui, je rebondissais sur l'identification du niveau où c'est possible. Il a raison, Simon Bréhand. En fait, on étudie très facilement à peu près tout ce qu'on veut à l'université. Mais je veux dire, de la science-fiction à la pornographie, en passant par tous les objets les plus méprisés, les plus valorisés, les plus tabous, à partir du second cycle. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on étudie à l'université dans le premier cycle, c'est-à-dire celui que fréquente le plus de gens. Et dans le premier cycle, il est à peu près certain que, elle est difficile à repérer, hein, la science-fiction. On va l'étudier au profit d'un TD un petit peu en contrebande ou discrètement à l'abri d'une question plus générale d'histoire littéraire contemporaine ou d'un mythe transversale. Breda, what is this? Breda, what are you doing here? You gotta give me some warning. Who's this? He's me, before Verdun. He's gonna help us. Breda, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Faut pas passer sans prévenir. Qui est-ce? Lui, c'est moi. Avant Verdun. Il va nous aider. Quoi? Tu veux dire Hitler? Oui. Quand est-il mort? Et où? Sur la plage, demain. Vous pouvez me dire combien de doigts je cache derrière moi? Comment je peux le savoir? C'est la première fois que nous avons cette conversation. Essaye de survivre, on verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche pas. Il a eu des visions déjà. Des visions de quoi? Ok, il reste du temps. Ouais. Du temps? Mais, pardon, qu'est-ce que... Qui est-ce? Et qui êtes-vous? Docteur Carter. Physique des particules, microbiologie avancée. C'est aussi la seule personne qui croira ce qui vous arrive. Personne ne comprend mieux que lui la biologie des mimiques. Il est chef analyste à Whitehall. Carter, montre-lui. Voilà. Bon, tout d'abord, vous ne combattez pas une armée. Vous devez considérer ça comme un organisme unique. Alors, ces drones ordinaires agissent comme ces griffes. Les alphas, comme celui que vous avez tué, sont beaucoup plus rares. Oui, il y a un alpha pour 6,18 millions de mimiques, d'après moi. Et ils agissent lorsque l'ennemi... Ils sont comme son système nerveux central. Mais ça, c'est le cerveau. Il les contrôle tous. C'est l'oméga. Et l'oméga a la capacité de contrôler le temps. Chaque fois qu'un alpha est tué, une réaction automatique est déclenchée. Et l'oméga fait recommencer la journée. Tout ce qu'il souhaite, c'est que la forme de vie dominante attaque et... Et plus rien ne pourra arrêter les mimiques dans leur conquête du reste du monde. À moins que vous ne changiez la donne. Et oui, à moins qu'il ne change la donne, et c'est ce qu'il va faire. Tom Cruise dans Edge of Tomorrow de Doug Liman en 2014. J'ai choisi cet extrait parce que d'un bout à l'autre, d'une œuvre, d'une adaptation d'une œuvre littéraire, La guerre des mondes de H.G. Wells à Edge of Tomorrow de Doug Liman, qui est un film de science-fiction, grand public, hollywoodien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Simon Bréant, je pose ça avec évidemment un peu de malice, on peut inclure Tom Cruise dans un parcours universitaire de recherche. Oui, enfin, comme disait Yann Langlais, on peut tout inclure dans un parcours universitaire du moment que ça a une justification particulière. Tom Cruise, bon, peut-être pas comme objet immédiat, Yann Langlais dit tout à fait. Mais comme les différents personnages qu'il peut jouer et Edge of Tomorrow par exemple peut tout à fait avoir sa place. Donc on disait tout hors micro que c'est d'ailleurs plutôt un bon film de science-fiction qu'on recommande à nos auditeurs. C'est un film que vous aimez, Yann Langlais. Ah ben non seulement je l'aime beaucoup, mais moi j'ai l'impression que alors c'est peut-être pas pour Tom Cruise, mais ces temps-ci je travaille plutôt sur Bruce Willis parce que j'aime beaucoup la suite des deux films où l'armée des douze singes à Looper. Bruce Willis incarne dans les deux cas un voyageur du temps malheureux. Hein, ça se termine plutôt mal à chaque fois pour lui, mais dans le premier cas c'est pour le destin malheureux de toute l'humanité, alors que dans le deuxième cas j'ai l'impression que c'est plutôt pour sa rédemption. Moi j'aurais tendance à dire que non seulement on peut les étudier les blockbusters, mais c'est même à travers eux qu'on trouve les procédés les plus clairement exposés et qu'on a l'occasion de les voir les surligner en quelque sorte. J'aimerais qu'on dise un mot de vos travaux, parce que évidemment il ne peut pas y avoir d'études académiques de la science-fiction sans, vous l'avez dit, de corpus théorique, sans de bagage scientifique. On parlait de Science Fiction Studies tout à l'heure depuis 73, donc vous avez lancé l'un et l'autre Res Futurae, qui a pour objectif d'être un peu le Science Fiction Studies à la française, Irène Langlais. Oh, ce serait beaucoup dire et ce serait beaucoup trop orgueilleux de notre part de chercher à égaler notre marraine, puisque Science Fiction Studies est notre modèle certainement, mais c'est aussi notre partenaire depuis le début, grâce à la bonne volonté et l'extrême bienveillance de son comité de rédaction patronné par Arthur Evans. Le partenariat, il se fonde surtout sur le fait que SFS met à notre disposition, libre de droit, l'ensemble de son corpus d'articles depuis 1973, dont nous traduisons au moins deux articles par numéro, c'est-à-dire deux fois par an. Et ça, c'est un coup de pouce qui a été considérable pour nous, puisque, on l'a dit tout à l'heure, Simon Bréant l'a rappelé, le corpus critique, à l'heure actuelle, il n'a pas encore atteint une masse suffisante. Et à chaque fois qu'on lance un numéro, la revue c'est biannuel, hein. Oui, elle est. Il y a deux numéros par an. Elle existe depuis 1972. Qu'est-ce que je raconte non. Depuis 2012. Depuis 2012. C'est intéressant comme Oui. Et en fait, dans les premiers numéros, la vraie question, c'est est-ce qu'on aura assez d'articles ? Désormais, j'ai l'impression que le cercle devient plus vertueux que vicieux, mais le support de la revue Marraine est très important. Simon Bréant, de l'importance de constituer, d'arriver à cette masse critique de littérature critique précisément, pourquoi c'est si important ? Alors, c'est très important, notamment pour permettre tout simplement que la chaîne de la recherche puisse se constituer de façon visible, claire, évidente. C'est des choses qui ont déjà été plus ou moins établies dans les travaux intermédiaires entre ceux de Richard Saint-Gelais et la création de la revue, et notamment l'ouvrage que Irène Langlais a fait sur la science-fiction, qui est une très bonne introduction. Hein, dont on a mis le lien sur notre fil Twitter, voilà, à la méthode. Qui est une très bonne introduction, enfin, et un très bon manuel d'étude de la science-fiction. Mais il fallait passer à l'étape d'après, en quelque sorte. Et l'étape d'après, c'est effectivement proposer de façon aussi variée que possible un état de l'art, un état des connaissances sur la science-fiction. Et je fais un tout petit détour pour signaler que ça se fait dans le champ universitaire, mais également en incorporant autant que possible les apports de ce qu'on peut appeler l'érudition de la science-fiction, c'est-à-dire tous ces spécialistes, ces gens disposant d'une culture considérable et parfois d'une connaissance, phénoménale, de la science-fiction, et qui propose différentes ressources. La plus spectaculaire étant récemment le rétrofiction qui vient de sortir, une espèce d'encyclopédie extraordinaire en deux volumes où il est question faite par Joseph Alterac et Guy Coste, et qui propose un aperçu encyclopédique de tout ce qui peut apporter le nom de science-fiction en France. C'est aux éditions des Belles Lettres, là aussi, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. C'est diffusé par les Belles Lettres, c'est Belles Lettres et Ancrage. Bref. Un des enjeux, c'est justement de faire en sorte de faire fructifier toutes ces informations-là et de les rendre disponibles à la recherche, puisque c'est pas forcément facile de s'emparer même d'une encyclopédie. C'est intéressant pour conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes, on pourra refaire plein d'émissions à ce sujet, mais est-ce que justement la recherche académique n'a pas loupé le coche du fandom, n'a pas suffisamment tôt, vite, vous me regardez avec un regard noir et rien d'anglais, reconnu cette source, ce vivier incroyable d'expertise sur la science-fiction qui vient d'une source non académique, non universitaire, mais juste des fans de SF qui pouvaient y contribuer et qui n'ont peut-être pas été immédiatement suffisamment associés. Ah oui, non, c'est pas un regard noir, mais je crois qu'il y a eu, il y aurait eu une erreur de perspective à voir ça. Non, au contraire, j'ai l'impression que grâce en particulier à l'encyclopédie de Pierre Versin, dès 1972, voilà encore une occasion de le dire, la science-fiction dans l'érudition des amateurs, c'est ce que Simon Briand insiste depuis tout à l'heure, elle a été vue, elle a été visible. Mais je dirais presque, peut-être trop bien vu, trop bien identifié. Il me semble que dans le monde académique, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est plutôt un effet de niche. Voilà, les érudits de la science-fiction, ils savent tout ce qu'il faut savoir sur la science-fiction. On peut toujours se tourner vers eux. Et c'est bien pratique quand on n'a pas envie de lire de la science-fiction à côté de Madame Bovary ou d'un cycle zolien ou d'une poésie expérimentale. Et on peut laisser les fans continuer de produire ce savoir sans finalement l'agglomérer à l'ensemble des savoirs académiques. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que il est tout à fait visible, ce savoir-là. Il a eu d'autres modes d'expression que le double volume que Simon Briand vient de citer. Il y a l'encyclopédie de Versin, il y a le musée d'Yverdon qui est né de ses collections, la maison d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises éditoriales, en particulier la grande anthologie de la science-fiction qui a couru pendant toutes les années 80, qui ont finalement fini par isoler, mais aux deux sens du terme, c'est-à-dire identifier, mais peut-être clore un peu trop tôt ce qu'il fallait savoir et ceux qui peuvent le savoir de la science-fiction. Ce sera le mot de la fin. On aura l'occasion de refaire des émissions sur ce débat qui est assez passionnant. Un mot, dites-moi, Irène Langlais, Res Futura, où est-ce qu'on peut trouver, à quel endroit, en ligne, en dur, dans les librairies, où est-ce qu'on peut consulter tous ces numéros? Res Futura est une revue en open access, en accès ouvert. On peut la consulter 24 heures sur 24 à l'adresse resf.revues.org. On met ça sur le fil Twitter immédiatement. On va mettre le lien aussi vers le MOOC Science Fiction, Explorer le futur au présent avec l'universitaire. Toi, merci beaucoup à tous les deux. On a mis les liens vers vos ouvrages respectifs, Irène Langlais, Simon Briand. Je peux vous signaler également le podcast natif, le nouveau podcast de fiction de France Culture, L'Appel des Abysses, qui est un podcast, de science-fiction. C'est Cyril Legret, Juliette Rose, réalisé par Baptiste Guiton. Après la catastrophe, deux mondes s'affrontent pour leur survie. Depuis la montée des eaux, l'océan sépare l'élite financière recluse dans une cité immergée, délaissée pour compte de la surface. Ça se podcast sur votre application podcast préférée. Il y a 10 épisodes, vous pouvez écouter tout ça au long du week-end. C'est absolument passionnant. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jean-Frédéric à la technique. On va vous mettre le programme de la semaine prochaine sur Twitter parce que je n'ai plus le temps. Et on se retrouve lundi, jusqu'à preuve du contraire,